c'était, comme je viens de vous le dire, peut-être le télescope le plus célèbre du monde, pas seulement pour ses apparitions dans James Bond ou dans le film Contact, mais parce qu'il est resté jusqu'à il y a peu le plus grand radiotélescope de la planète avec sa coupole de 300 mètres de diamètre. Cela faisait néanmoins quelques années qu'il était en mauvais état après le passage d'un ouragan en 2017, et depuis cet été, c'est l'enchaînement fatal. Un câble lâche en août, un deuxième en novembre, et le 1er décembre, la plateforme s'effondre, mettant une fois pour toutes le télescope d'Arecibo hors service. Ce sont ces 57 ans d'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Arecibo, c'était beau la vie, c'est le programme légendaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour raconter l'histoire de ce télescope géant, de sa construction aux découvertes qu'il a permises, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Gilles Thereau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris, chercheur au laboratoire de physique et de chimie de l'environnement et de l'espace à Orléans. Et Steve Torchinski, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche à l'Observatoire de Paris, chercheur au laboratoire astroparticules et cosmologie de l'Université de Paris. Mais on commence, comme chaque jour, par un tour de l'actualité scientifique avec le Journal des Sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer, cette étude parue dans The Astronomical Journal, les astronomes viennent de détecter une exoplanète avec une étrange orbite. Oui, il s'agit de l'exoplanète baptisée HD 106906b, hein, qui a été photographiée en 2013. Elle est à 336 années-lumière de nous, elle a 11 fois la masse de Jupiter, et elle orbite autour d'une paire d'étoiles jeunes, hein, deux naines jaunes-blancs qui tournent l'une autour de l'autre. Alors jusqu'à ce jour, les 4300 exoplanètes découvertes ont toutes un point commun, elles sont relativement proches de leurs étoiles. Sauf celle-ci. Une équipe internationale a analysé les données du télescope spatial Hubble sur 14 ans et a réussi à déterminer son orbite. Cette exoplanète met 15 000 ans pour tourner autour de ces deux étoiles. C'est la première fois que des scientifiques parviennent à caractériser une orbite aussi énorme. D'une part, il y a cette période orbitale extrêmement longue, mais en plus, son orbite se révèle très inclinée et excentrique par rapport au disque qui entoure les deux étoiles. Et autre aspect intéressant, cette exoplanète se comporte exactement comme dans les prédictions de l'hypothétique planète 9. Hein, cette neuvième planète, hein, qui serait cachée aux confins extérieurs de notre système solaire. Alors cela reste encore très hypothétique, mais la découverte autour de cette exoplanète, hein, prouve qu'une orbite aussi étrange est possible. Et on peut non seulement retrouver l'émission entière que nous avions consacrée il y a longtemps maintenant sur cette mystérieuse planète 9, ainsi que l'étude que vous évoquez, Natacha, et toutes les autres études sur notre fil Twitter @laméthodefc et sur franceculture.fr. On passe au bref. Un premier cas de coronavirus a été détecté chez un animal sauvage. Et par peur qu'une variante du SARS-CoV-2 ne se propage, des millions de visons d'élevage ont été abattus le mois dernier en Europe et aux États-Unis. Le département américain de l'agriculture déclare avoir trouvé un cas positif chez le vison sauvage en liberté, dans l'Utah, dans les environs d'une ferme de fourrure. D'autres animaux sauvages autour de cette ferme ont été testés. Il n'y a pas de cas positifs supplémentaires, mais cela démontre l'importance de la surveillance généralisée de la faune autour des fermes de visons infectés. Selon une étude parue dans la revue Science, une équipe américaine a identifié une protéine qui régule le vieillissement musculaire. Et les chercheurs ont constaté que les personnes âgées expriment une protéine à des niveaux beaucoup plus élevés que les plus jeunes. La protéine 15-PGDH. Pendant un mois, des souris âgées ont suivi un traitement avec une molécule capable de bloquer cette protéine. Il se trouve que les vieilles souris ont retrouvé de la masse musculaire et de l'endurance. Elles pouvaient courir plus longtemps sur un tapis roulant. Les chercheurs ont aussi mené l'expérience inverse. Ils ont surexprimé cette protéine chez de jeunes souris, ce qui a provoqué l'atrophie et l'affaiblissement de leurs muscles. Selon les auteurs de cette étude, voici de nouvelles pistes thérapeutiques pour lutter contre la diminution des capacités musculaires dues à l'âge. Et enfin, depuis le début de la pandémie, nous passons plus de temps sous la couette. Oui, cette crise sanitaire a modifié nos habitudes de sommeil. Nous dormons plus longtemps. En mieux, ce n'est pas sûr, mais nous dormons au moins une heure de plus. Des chercheurs américains ont analysé les données de 100 000 dormeurs partout dans le monde, des données collectées grâce à l'application Sleep. Sleep, c'est une application de suivi de sommeil, vous l'activez et la désactivez au moment du coucher et du réveil. Alors, dans tous les pays, ou presque, comparé à avril 2019, il n'y a pas eu de changement par rapport à l'heure du coucher. En revanche, nous nous sommes réveillés environ une heure plus tard. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. C'est le feuilleton catastrophe astronomique de cette rentrée. Le 10 août dernier, un câble auxiliaire de la tour 4 cède et déchire dans sa chute plusieurs panneaux de la parabole faisant une balafre de 30 mètres de long. Les dégâts sont estimés à plus de 10 millions de dollars. Le 6 novembre, alors que le télescope attendait deux câbles auxiliaires de remplacement, un des quatre principaux câbles de la plateforme lâche à son tour. 15 jours plus tard, le National Science Foundation annonce que, compte tenu de l'ampleur des dégâts, après 57 ans de service, le radiotélescope d'Arecibo est mis hors service en vue de son démantèlement. Tristesse et stupeur dans la communauté astronomique, mais l'histoire ne s'arrête malheureusement pas là. Le 1er décembre, peu avant 8h du matin, voilà le son de la plateforme de 900 tonnes qui s'effondre sur la parabole. Les images sont saisissantes. Stupeur et tremblement, je le disais, pour toute la communauté astronomique et même plus loin, puisque c'était le télescope certainement le plus célèbre du monde. Gilles Thereau, Steve Torchinski, je vous demandais simplement comment vous avez appris cette information et qu'est-ce que ça a suscité chez vous. Steve Torchinski, vous y aviez travaillé à Arecibo, vous connaissiez l'endroit par cœur? Oui, j'ai travaillé 3 ans à Arecibo entre 2003 et 2006, c'était pour rajouter encore un récepteur dans le grand dôme qui est suspendu au-dessus du. On dit souvent parabole, mais ce n'est pas un parabole, c'est un réflecteur sphérique. Mm-hmm. Et comment vous avez appris la nouvelle de l'effondrement et qu'est-ce que vous avez ressenti? Oui, c'était très triste. J'ai reçu d'abord un mail du directeur d'Arecibo pour annoncer la fermeture, mais pour l'effondrement, c'était je sais même pas. J'ai reçu tellement de messages sur les réseaux sociaux et autres. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était le premier. Mmh. Gilles Thereau, vous, comment vous l'avez appris cette nouvelle et qu'est-ce que vous en avez pensé? De mon côté, c'est à peu près le même scénario. Hein. C'est un mail du directeur d'Arecibo arrivé en premier parce que je suis sur une liste de diffusion depuis des années en lien avec le télescope. Et puis ensuite, des échanges sur des plateformes de travail avec les collègues qui ont relayé l'information assez immédiatement. Et vous disiez tristesse et stupeur, c'est vraiment un sentiment de deuil qu'il y a dans la communauté, c'est assez violent. C'était un peu, pour tous les radioastronomes de la planète, le télescope grand frère de ceux qu'on utilise aussi un peu partout dans le monde. Donc, Vous avez beaucoup travaillé à Nancy, vous allez nous en parler, même si ce sont deux structures très différentes. Cet effondrement, je le disais, il y a eu plusieurs annonces. On a beaucoup dit, on disait beaucoup que le télescope était sous-financé depuis une dizaine d'années. Il y a eu un premier passage d'un ouragan en 2007 qui avait commencé à l'escater un peu. Vous pensez que ça devait arriver d'une manière ou d'une autre, ou ça a été quand même vraiment une surprise, Steve Torchinski? C'était pas absolument que ça doit arriver comme ça, que ça doit terminer comme ça. C'est donc dans ce sens, c'était une surprise, mais en fait, malheureusement, c'était pas tout à fait surprenant puisque on voyait un peu venir le manque d'entretien. Même à l'époque où j'étais là, il y a 15 ans et plus, on se battait pour les moyens pour l'entretien. Il y avait le rouille partout et la structure, c'est comme un pont. il faut le peindre en permanence, il faut toujours faire l'entretien. Et si on lâche, il faut rattraper et c'est, ça devient de plus en plus difficile. Donc, oui, c'est quand même étonnant que ça, on peut arriver là, mais malheureusement, il y aurait du monde qui le voyait venir. Mmh. Gilles Thoreau, votre sentiment à ce propos ? Oui, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une baisse des crédits de support américains depuis presque une dizaine d'années, hein, qui a été graduelle pour Arecibo, un changement de statut aussi au niveau de la gouvernance et du fonctionnement du télescope. Et voilà, donc quand on n'a plus le flux de crédits qui permet d'entretenir les structures, et ben on arrive à des catastrophes comme ça. Et c'est un peu toujours le dilemme qu'on a pour ces instruments qui sont relativement âgés, mais qui apportent toujours une science active et au fait de ce qui se fait actuellement. Il y a toujours le dilemme entre est-ce qu'on continue à mettre beaucoup d'argent dans cette structure ou est-ce qu'on transvase plutôt vers des nouveaux instruments, des nouveaux télescopes. Et la discussion du passage de relais entre les deux générations d'instruments n'est jamais facile à gérer. Bien sûr. Et là, je pense que c'est exactement ça qui se passe. C'est qu'on baisse les crédits et on entretient moins les structures. Et bon, il y a eu aussi un ensemble de phénomènes naturels. Hein. On a parlé de l'ouragan, mais il y a aussi plusieurs tremblements de terre qu'on secouait la structure ces dernières années. Et Arecibo, justement, alors on va parler hein, des nouvelles générations. Arecibo s'est fait en quelque sorte, on va dire, damer le pion sur la taille par le radiotélescope FAST en Chine en 2016. Mais on continue à faire beaucoup de science à Arecibo, Steve Torchinski, jusqu'à la fin. On continuait à l'utiliser vraiment pour faire de la science qui continuait à être de la science importante, intéressante et à jour par rapport justement à l'ancienneté du dispositif. Oui, certainement, et Gilles peut en parler plus, puisqu'il est membre de la collaboration de Pulsar Timing Array. Aux États-Unis, il y a le projet NanoGrav, qui cherche à détecter les zones gravitationnelles avec les observations des pulsars. Et il y a un projet comme ça en Europe, aux États-Unis et en Australie. Et Arecibo, c'était un endroit clé pour fournir les données pour ce projet-là. Et oui, jusqu'à la fin, il y avait ce projet et d'autres projets aussi pour la cartographie de la structure de la galaxie et la structure extra-galactique, surtout le relevé du gaz hydrogène neutre dans l'univers. On entendra tout à l'heure hein, dans le reportage du jour justement un chercheur qui travaillait encore sur les données d'Arecibo. Vous confirmez, hein, Gilles Thoreau, que effectivement jusqu'à cet été, c'est-à-dire jusqu'à la première balafre du mois d'août, Arecibo était encore complètement dans la course en tant qu'équipement de surveillance de l'espace, d'écoute de l'espace plutôt. Oui, absolument. Même si FAST, donc le radiotélescope chinois dont vous avez parlé, commençait à prendre le relais, c'était encore des tout premiers résultats scientifiques qui sont obtenus du côté de FAST. Arecibo était encore très utilisé pour des observations très sensibles, pour des grands relevés. Donc Steve a mentionné le programme Pulsar Timing Array, réseau de pulsars stables, qui est un grand programme qui s'étend sur des années, qui se fait en collaboration mondiale, où on collecte des mesures très régulières d'objets qu'on appelle des pulsars. Ce sont des espèces d'horloges naturelles, d'horloges cosmiques qui nous permettent, quand on les observe en réseau et en corrélation, de détecter, d'espérer détecter, on en est aux prémices, des ondes gravitationnelles émises par des trous noirs supermassifs qui sont formés au cours de la formation des galaxies. Donc ça, c'est un programme qui était très longue haleine, qui était un des programmes phares d'Arecibo et qui est un des programmes phares de la plupart des grands radiotélescopes de la planète. Et donc Arecibo était encore très actif sur ce programme-là. Il donnait un peu plus de la moitié des données américaines venaient d'Arecibo et des données qui sont complémentaires de ce qui se fait en France avec NANSEM, mais aussi à Effelsberg en Allemagne, aussi ailleurs en Europe ou dans le monde. On reparlera de cette surveillance des pulsars, puisque c'est exactement sur ce sujet-là que, eh bien, nous avons interrogé un chercheur que vous pourrez entendre tout à l'heure, Grégory Desvignes, nous parler justement de ces données d'Arecibo. Mais avant ça, on va raconter un peu l'histoire de ce télescope, parce que vous allez voir, de ce radiotélescope, parce que vous allez voir que son histoire est une histoire politique, est une histoire de la deuxième moitié du XXe siècle, une histoire assez passionnante. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc du radiotélescope d'Arecibo tout au long de cette heure en compagnie de Gilles Thereau et de Steve Torchinski. Je le disais, Gilles Thereau, c'est assez passionnant parce que Arecibo, au tout début, au moment bien où on a commencé à penser ce radiotélescope, on ne le pensait pas du tout pour l'exploration spatiale. Oui, tout à fait. Hein. C'est les débuts, donc c'est dans les années, début des années 60, on est en pleine guerre froide. Et la construction du télescope d'Arecibo, c'est d'abord une construction d'ordre stratégique, c'est-à-dire qu'on veut étudier avec précision ce qui se passe dans la haute atmosphère, ce qu'on appelle ionosphère, la partie haute de l'atmosphère terrestre qui est chauffée par le rayonnement du soleil et par les particules du vent solaire, parce qu'on veut être capable de détecter éventuellement un missile balistique, une ogive nucléaire qui arriverait dans l'atmosphère et qui rajouterait une signature par rapport à cette émission un peu continue de l'ionosphère. Donc on veut être capable de trier, d'analyser et de reconnaître un signal tel qu'un missile balistique. Donc ça, c'est la première motivation. Assez rapidement, ça a été un projet dual, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une composante astrophysique pour en faire un instrument d'observation astronomique. Et c'est là que le design a assez rapidement évolué. C'est-à-dire au début, ça devait être donc c'est une sphère dans une cuvette. Hein. C'est une sphère. Peut-être que on peut dire un mot de ça. C'est intéressant parce que quand on pense radiotélescope, en général, on pense parabole, mais pas Arecibo. Alors ça, c'est lié au fait qu'on veut quelque chose de très très grand et on veut pouvoir le pointer à différents endroits du ciel. Quelque chose de très très grand, ça s'oriente pas facilement, c'est très lourd, c'est en l'occurrence la sphère est fixe, posée dans une cuvette naturelle, et en fait c'est le foyer qui va se déplacer. Quand on a une sphère, quand on a une parabole, on a un foyer unique, c'est-à-dire que le récepteur il se met au foyer unique qui est dans l'axe de la parabole. Quand on a une sphère, en fait, on a plusieurs foyers possibles qui sont le long d'une surface qui a mis à mi-distance entre le centre de la sphère et la sphère elle-même, ce qui fait que quand on a un télescope posé sur le sol, eh bien quand la Terre tourne, l'image focalisée par le radiotélescope arrive dans une succession de points au niveau de cette surface focale. Et on peut, si on place un récepteur qui se déplace pour compenser le mouvement de la Terre, on peut suivre pendant un temps de transit relativement long le passage de l'objet dans le ciel. Donc là, Arecibo, par exemple, permettait d'observer une source qui passait au zénith pendant presque 3h30, quelque chose comme ça. Hein, ça, c'est l'objet passé à la verticale plus ou moins du télescope, mais on pouvait le suivre pendant un peu plus de 3 heures. À Nancy, on a un concept à peu près pareil. Au lieu de regarder Alors, Nancy, c'est pas une parabole. Hein. Alors, c'est pareil, c'est un morceau de sphère. Ouais. Alors, c'est pas un morceau tout rond comme celui d'Arecibo, c'est comme si on avait découpé un rectangle dans une sphère, si je peux dire. Et le concept est là, on ne regarde plus le zénith, on regarde plutôt au-dessus de l'horizon. Et au lieu d'avoir un foyer suspendu au-dessus de la sphère, on a un foyer sur des rails qui compense le mouvement de la Terre pendant que la Terre tourne pour pouvoir observer un même objet pendant environ 1 heure, le temps de son transit devant le télescope. Donc c'est un peu le même principe dans deux designs différents. Mais presque, on pourrait presque dire que Nancy c'est perpendiculaire par rapport à Arecibo qui serait horizontal. C'est un peu ça, et en même temps c'est complémentaire de ce fait-là, parce qu'on n'a pas la même zone du ciel. Arecibo voit une zone donc plus ou moins 20 degrés autour du zénith, ce qui fait que quand on parle de coordonnées célestes, on voit ce qu'on appelle la déclinaison, donc la hauteur par rapport à l'équateur, entre moins 2 degrés et plus 38 degrés. Nancy voit, avec cette structure, voit de moins 39 jusqu'à ou moins 40 jusqu'à 90. Donc Nancy voit presque 80% du ciel et moins sensible, alors que Arecibo voit en gros 30% du ciel, mais plus. Peut-être un mot, Steve Torchinski, parce qu'on a tous l'image de ce radiotélescope au milieu de la jungle, dans une doline à Porto Rico. Ce qui s'est effondré, donc, c'est la plateforme. Qu'est-ce qu'il y avait? Comment ça fonctionne déjà? Qu'est-ce que c'est exactement que ce radiotélescope d'Arecibo? Comment ça fonctionne? Il faut préciser que c'est un radiotélescope, donc ça n'est pas un télescope qui observe dans le domaine du visible, c'est pas un télescope qui a besoin d'observer la nuit, qui peut observer le jour notamment. Vous pouvez nous raconter un peu comment ça fonctionne et ce que c'est que cette plateforme qui est au centre, qui s'est effondrée? Oui, alors comme j'ai raconté, c'est le foyer, c'est là où on met les récepteurs. Et par comparaison avec un appareil photo numérique, on met le détecteur, les CCD, les détecteurs. Les détecteurs voient la lumière, hein. Et dans notre cas avec Arecibo, la lumière c'est les ondes radio, mais c'est toujours la lumière, sauf que la longueur d'onde est beaucoup plus longue. Et pour Arecibo, la longueur d'onde c'est autour de quelques dizaines de centimètres. Mmh. Et donc les récepteurs et toute la structure est grand. Par rapport à la longueur d'onde, donc c'est pourquoi tout est tellement massif. Et le foyer. Alors au début, il y avait une longue antenne et il y en avait jusqu'à la fin une longue antenne suspendue et il y avait que ça. Et le problème avec ce système, c'est que ces bandes étroites, on peut observer à une fréquence autour de par exemple, 1400 MHz, mais pas beaucoup des deux côtés de 1400 MHz. Et donc, il fallait construire un système avec des miroirs pour corriger le fait que la grande surface est sphérique et pour compenser les aberrations optique, on a mis comme porter des lunettes, c'est pour corriger les aberrations. Mm-hmm. Et après, on a un vrai foyer, les rayons sont vraiment focalisés, et là, on pourrait mettre des récepteurs à très large bande. Et donc, c'était ça l'avantage aux années 90. Quand on a construit le dôme grégorien. On va y revenir à ce dôme grégorien qui a été construit en 1997. Peut-être un mot, Gilles Thoreau, sur le fonctionnement de ce radiotélescope. Finalement, cette grande sphère qui n'est donc pas, cette grande coupole qui n'est pas une parabole, qu'est-ce qu'elle capte exactement et quelle est l'interaction entre cette parabole et la plateforme? Alors, la sphère, en fait, c'est le miroir primaire, c'est ce qui renvoie, qui permet de focaliser un peu comme une lentille. Quand on a une lentille dans un télescope optique, elle concentre la lumière au foyer, et ensuite on a un oculaire pour regarder la lumière qui a été concentrée au foyer. Donc là, c'est pareil, cette lumière radio, elle est concentrée au foyer, et au foyer, le récepteur, c'est plus un œil ou un oculaire ou un CCD comme en optique, c'est une antenne exactement comme une antenne radio qui sert à la radio, hein. C'est-à-dire c'est quelque chose, c'est un morceau de conducteur. Et quand la lumière qui a une onde électromagnétique rencontre ce bout d'antenne, ce conducteur, ça agite les électrons, ça produit un courant. On mesure une tension et on l'interprète comme étant l'arrivée d'un flux lumineux radio. Mmh. Donc l'antenne que décrivait Steve, là, qui était la première antenne d'Arecibo, elle était effectivement posée pile au foyer de la sphère. Elle pouvait se déplacer, comme j'expliquais tout à l'heure, pour compenser le mouvement de la Terre et pouvoir faire une pause plus ou moins longue pour observer dans une direction précise. Alors ensuite, les modifications qu'il y a eu, ce dôme grégorien, c'est pour avoir une bien meilleure définition de la direction de visée, en fait, pour avoir quelque chose de propre, de garder toute l'information de l'onde, en particulier la polarisation, qui nous permet de comprendre un peu la physique qu'il y a derrière l'émission qu'on reçoit, hein, de caractériser bien l'émission qu'on reçoit. Et ça permet notamment de mettre plusieurs instruments aussi, puisqu'on a plus de place, plusieurs endroits. On a un meilleur miroir secondaire, un miroir tertiaire, On a tout un jeu optique comme ça qui permet de placer des détecteurs à différents endroits, ce qui permet plus de versatilité et plus de programmes différents. Pourquoi ce choix de Porto Rico ? Je rappelle que c'est au début, hein, avant que la gestion du télescope soit confiée à la NFS, c'est l'ARPA, hein, c'est l'Agence de défense américaine qui a lancé le projet pour les raisons que vous évoquiez tout à l'heure en pleine guerre froide, Gilles Thereau. Pourquoi ce choix de Porto Rico ? Ça a été un choix immédiat ? Vous avez des informations à ce sujet, Gilles Thereau ? Alors ça, moi, je ne sais pas répondre. Steve Torchinski, est-ce que vous savez pourquoi ce choix de Porto Rico pour Arecibo ? Il fallait choisir un endroit sur le terrain américain. Et Porto Rico, ce n'est pas un État, mais c'est quand même un territoire américain. Et c'est le plus au sud. Et il y avait aussi ce terrain naturel pour construire... dans une vallée presque fait pour. Mmh. Et donc il y avait l'idée d'aller au plus au sud possible parce que en général il y a plusieurs raisons scientifiques pour vouloir observer le ciel plus vers le sud que vers le nord. Mais aussi être vers l'équateur est un avantage. Peut-être un mot sur l'évolution, puisque au début, donc, le but c'est d'étudier la haute atmosphère. À partir de quel moment Gilles Thereau commence les observations astronomiques ? Est-ce que ça vient assez rapidement ? Alors ça vient très tôt, mais pas forcément sur les objets qu'on observe sur les autres radiotélescopes. Alors en fait, faut savoir que quand même dans les années 60, on voit pousser un peu partout des grands radiotélescopes, alors plus petits qu'Arecibo souvent, mais qui sont de grande taille. Un ANSES est l'équivalent d'une antenne de 100 mètres de diamètre. Arecibo, on rappelle, hein, c'est 300 mètres de diamètre, mais sur les 300 mètres, les 300 mètres ne sont pas utiles, hein, c'est bien ça ? Voilà, c'est 200 mètres utiles. C'est 200 mètres utiles. On dit qu'on illumine 200 mètres de ce miroir de 300 mètres, c'est ce qui permet d'avoir... un suivi ensuite au cours du temps, en fait, une espèce de tâche, l'équivalent, voilà, qui se déplace sur ces 300 mètres, c'est pour pouvoir avoir de la mobilité mètres, en quelque sorte. Exactement. Voilà. Et donc, dans les années 60, on a le développement de nombreux radiotélescopes dans le monde pour, au départ, principalement observer l'émission de la raie d'hydrogène, la raie 21 cm de l'hydrogène. Donc c'est une raie d'émission, hein, l'hydrogène, quand il est dans l'état froid, l'hydrogène c'est un proton, un électron, c'est le plus simple, l'atome le plus simple, et le plus répandu de l'univers, hein, environ 80% de la matière primordiale est faite d'hydrogène. Et cet hydrogène, quand il est froid, dans le milieu interstellaire, il émet naturellement une longueur d'onde de 21 cm qui tombe dans les ondes radio. Qui correspond à 1420 MHz. Mmh. Bon, ça, c'est dû à des transitions très fines de niveau d'énergie de l'électron autour du noyau de l'atome d'hydrogène. Et donc, cet hydrogène, il est répandu partout, et surtout, c'est le carburant de base pour fabriquer tout le reste des objets astrophysiques, les étoiles en particulier. Donc, étudier la distribution de l'hydrogène dans notre Voie lactée et dans les autres galaxies, c'est un moyen vraiment de sonder l'univers, de sonder dans son essence même, hein, vraiment. Donc, et comme on veut avoir observé des objets qui sont éloignés, éloignés, ça veut dire avec un faible flux quand on le reçoit. Hein, si c'est loin, c'est faible. On a besoin de grands collecteurs, c'est-à-dire d'avoir des grandes surfaces réceptrices. Hein, c'est un peu comme si vous êtes dehors sous la pluie, si vous voulez. Collecter de l'eau, il vaut mieux y aller avec un grand récipient plutôt qu'un déacoute pour collecter de l'eau. Là, c'est pareil avec la lumière. Si c'est loin et faible, il faut un grand collecteur. Mmh. Et donc, on a ces télescopes qui vont d'abord pousser pour étudier la raie 21 cm de l'hydrogène. Or, Arecibo, au départ, comme il est conçu plutôt pour étudier l'ionosphère, il est conçu pour des plus grandes longueurs d'onde. Il observe non pas à 1420 MHz, mais autour de entre 100 MHz et 400 ou 500 MHz. Mm-hmm. Et donc, on n'étudie pas cette raie 21 cm avec Arecibo d'abord. Il va falloir attendre la rénovation en 1974 pour faire ça. On va d'abord utiliser d'autres objets, dont les pulsars, dont on a déjà parlé, et qui sont un des objets, on va dire, fétiches des radioastronomes. Mm-hmm. Et donc, dès 1968, on va observer pour la première fois et détecter les pulsations du pulsar du crabe, qui est un des pulsars les plus connus. Donc je rappelle, les pulsars, c'est des étoiles très massives qui ont explosé, dont le cœur s'est effondré sur lui-même, forme une étoile à neutrons qui tourne très très vite sur lui. Cette étoile tourne très vite sur elle-même et comme elle a un fort champ magnétique, ça crée un faisceau de radiation le long des pôles du champ magnétique qui balaie l'espace un peu comme la lentille d'un phare au bord de la mer. Mmh. Et donc cette rotation du faisceau, il est perçu comme des bips, comme des pulsations par une antenne radio ou par un radiotélescope. Toutes les 33 millisecondes pour le pulsar de la nébuleuse du crabe. On y reviendra ça dans la deuxième partie sur les découvertes, sur ce que Arecibo a vu. On va rester encore un peu, si vous le voulez, justement, vous évoquiez quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose de particulier à Arecibo, c'est qu'Arecibo est aussi un radar. Que se passe-t-il justement en novembre 1974? Ce sont les premiers gros travaux d'amélioration. Qu'est-ce qu'on ajoute exactement à cette époque-là, Steve Torchinski? Oui, à cette époque, c'était on remplaçait la surface qui était que une mèche avec des gros trous, et puis c'était remplacé par une surface plus fine pour pouvoir réfléchir des longueurs d'onde plus petites. Et à partir de là, la surface est utilisable pour des fréquences plus élevées. Mais un détail de Arecibo intéressant, c'est que au début, William Gordon, qui a eu l'idée de faire les études de l'ionosphère, comme Gilles racontait, il a fait un calcul et il a calculé qu'il fallait une immense surface pour avoir la sensibilité pour mesurer l'effet qu'il intéressait. Mais en fait, il a fait une erreur et c'est pourquoi Arecibo est si grand. Mais le phénomène, c'était détectable avec un télescope beaucoup plus petit. Mais ils avaient déjà commencé la construction d'Arecibo et c'est pourquoi Arecibo est tellement énorme et continuait d'être le plus grand, de loin, le plus grand radiotélescope du monde pendant presque toute sa vie. Oui, jusqu'en 2016. C'est intéressant ça, c'est-à-dire que la démesure, la grandeur d'Arecibo est liée à une erreur de calcul, Gilles Thoreau. Oui, mais ça a été une aubaine pour les astronomes. Oui, c'est ça. On leur a offert, sans qu'ils demandent autant que ça, un instrument exceptionnel et qui a été exceptionnel, comme le disait Steve, jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe justement alors en 1974, Gilles Thoreau? Donc en 1974, comme on change la surface, la surface avant c'était donc un grillage avec une maille de un peu moins de 2 cm. Ça suffisait pour réfléchir les ondes radio autour de quelques centaines de mégahertz, mais ça permettait pas d'observer à 21 cm l'arrêt de l'hydrogène. Et donc, on a remplacé cette surface par quelque chose, comme disait Steve, une surface beaucoup plus fine, qui permet de monter en fréquence, et qui donc va pouvoir permettre d'observer notamment l'arrêt 21 cm de l'hydrogène, donc d'avoir des programmes extragalactiques, et aussi l'arrêt OH, donc oxygène-hydrogène, le radical OH, qu'on trouve en émission, en absorption, dans des atmosphères de comètes, dans certaines galaxies, dans certaines zones de formation d'étoiles. Et donc ça a ouvert tout un autre pan d'astrophysique pour Arecibo. Et notamment, Arecibo est très connu, même si on le dit moins, parce que c'est pas un événement comme une découverte nouvelle, un nouvel objet qui ouvre un nouveau pan d'un coup de recherche scientifique, c'est plutôt l'étude de populations entières de galaxies. Arecibo est connu pour ça. Jusqu'en 2005, il avait observé près de 9000 galaxies. Arecibo, c'est beaucoup pour un radiotélescope. Et après 2005, il y a eu un grand programme de sondage en aveugle du ciel pour collecter tout ce qui passait à portée du radiotélescope. Et en quelques années, en une dizaine d'années peut-être, on a atteint quelque chose comme 30 ou 32 000 galaxies observées. Donc ça permet vraiment de comprendre les populations de galaxies, de voir la proportion, le lien entre leur émission optique qui est produite par les étoiles et puis la composante de gaz on observe en radio, donc à 21 cm de longueur d'onde, d'hydrogène, et de contraindre du coup les évolutions des populations stellaires, l'évolution globale des galaxies. Il s'est passé quelque chose d'important pour le grand public aussi en 74, pour fêter justement ces travaux, va être envoyé dans l'espace le premier message que l'humanité va essayer d'envoyer à d'éventuelles traces de vie intelligente à l'autre bout de la galaxie. C'est le fameux message d'Arecibo qui est envoyé en 74. Vous pouvez nous raconter en deux mots ce que c'est. Bon, je pense que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs s'en souviennent. On vient d'ailleurs de le poster sur notre fil Twitter @lamethodefc. Gilles Taureau. Alors c'est un message assez schématique pour essayer de décrire la place de l'homme dans l'univers. L'idée, c'est très symbolique, hein, parce que on a choisi un objet parce que au niveau du protocole, ça passait à la verticale d'Arecibo à telle date. Il se trouve que c'est un amas globulaire. D'Hercule, hein, c'est ça? Voilà, l'amas Messier 13, l'amas d'Hercule, qui est bien connu des astronomes amateurs, qui est un amas d'étoiles qu'on voit presque à l'œil nu, et que connaissent très bien effectivement les gens qui ont un petit télescope. C'est pas un lieu où on peut quand même espérer trouver de la vie ou imaginer qu'il puisse y avoir de la vie. À la fois c'est loin, et puis c'est un lieu où il y a énormément d'étoiles regroupées. Il y a des effets de marée, des effets mutuels de gravitation qui perturbent les systèmes. Donc c'est peut-être pas le meilleur endroit où on puisse chercher. À faire coucou. Intelligente, mais éventuellement, pourquoi pas. Hein. De toute façon, on n'y est pas, parce que je crois, là, en préparant la mission, que quelqu'un a fait le calcul. Le signal qui a été envoyé donc vers cet amas d'Hercule, il est à 0,20% de son trajet, c'est ça, de son arrivée, de la distance. Oui, c'est ça. Je me rappelle plus la distance de l'amas d'Hercule, mais ça fait pas bon. On n'y est pas, quoi. C'est pas pour tout de suite. Non, on n'y est pas du tout. Non. Si on veut correspondre, il faut attendre un moment. Plusieurs générations. C'est ça. Peut-être un peu, même quelques dizaines. On va continuer à parler de ce télescope d'Arecibo, et on va parler aussi de ce qu'il a apporté, en tout cas de ce que c'est cette grande oreille a pu apporter à la contribution de la connaissance de l'espace. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup bien de choses, de connaissances, de savoirs qui ont été rendus possibles grâce aux travaux faits sur ce radiotélescope. Mirror, c'est finalement pour le coup une belle coïncidence de l'OIAB, puisque je vous rappelle que nous soutenons tout au long bien de cette pandémie la scène musicale indépendante française via notre réalisateur Olivier Bétard. Nous parlons du télescope d'Arecibo, c'est pour ça que Mirror, ça m'a fait sourire. Nous parlons d'Arecibo avec en compagnie de Gilles Thereau, qui est astronome à l'Observatoire de Paris, chercheur en laboratoire de physique et de chimie de l'environnement et de l'espace à Orléans, et Steve Torchinski, qui est ingénieur de recherche à l'Observatoire de Paris, chercheur au laboratoire astroparticules et cosmologie de l'Université de Paris. Steve Torchinski, avant qu'on entende le reportage et les travaux que l'on a pu faire grâce aux données d'Arecibo, j'aimerais que vous me racontiez, vous qui aviez passé 3 ans, comment ça se passait, le travail, la vie quotidienne, la vie professionnelle à Arecibo. Donnez-nous un peu comme ça une sorte de eh bien, d'impression, de sentiment de ce qu'ont pu être pour vous ces 3 ans là-bas à Porto Rico. Oui, c'était la vie familiale à Arecibo. On travaillait ensemble et on vivait ensemble. Ma maison était à 2-3 kilomètres de l'observatoire et on passait presque tout notre temps sur le site d'Arecibo. Il y avait une piscine, il y avait une laverie. Donc la vie quotidienne était là avec les familles, les conjoints, conjointes, les enfants. Et c'était vraiment beaucoup plus que simplement une installation scientifique. C'était un lieu familial. Et on était là toutes les heures. On sait que l'astronomie est souvent faite la nuit, mais comme vous avez mentionné, on peut aussi observer dans la journée aussi. Si c'est pas directement vers le soleil, c'était possible. Et il y avait des observations en cours à toute heure et il y avait toujours quelqu'un sur place. Il y avait des chercheurs qui menaient leurs observations, mais toujours avec quelqu'un d'Arecibo sur place. Donc, on était souvent là avec les chercheurs qui visitaient pendant une semaine ou deux, et nous, on était là en permanence, le jour et la nuit, pour aider avec les observations. Et souvent, les membres de l'équipe locale étaient là avec la famille. On a vu les enfants se coucher par terre pendant que leurs parents travaillaient dans la salle de contrôle, et on surveillait les enfants l'une et l'autre. C'était une grande famille là-bas. C'était vraiment une expérience exceptionnelle. C'est pourquoi c'est tellement triste. Oui. Et, c'est pas juste une structure qui est tombée, c'est vraiment un membre de la famille. Mmh. Gilles Thereau, je crois que vous y êtes rendu une fois pour une collaboration. Quel souvenir vous en gardez ? Un souvenir extraordinaire. Hein. On est au milieu de la jungle, donc c'est très très vert, grouillant de vie autour. On a cette énorme sphère métallique au milieu de tout ça. Moi, en plus, j'ai un souvenir. Il y a eu un orage spectaculaire pendant que j'y étais, même au moment où je suis allé par la passerelle jusqu'au foyer et revenir. Il y a un orage qui s'est déclenché au moment du couchant et c'était absolument magnifique. Donc, ça donne une impression de science-fiction, évidemment, parce qu'on est à la fois dans une ère complètement naturelle et puis avec cette structure futuriste. Non, c'est un très très beau lieu. Alors avec l'effondrement malheureusement de ce radiotélescope d'Arecibo, c'est également, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, tout un tas de projets qui étaient encore en cours, qui utilisaient les données du radiotélescope, qui sont aussi tombés à l'eau. Et vous avez pu discuter, Antoine Beauchamp, avec un chercheur qui travaillait précisément sur ces données et sur les pulsars. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, j'ai pu interviewer Grégory Desvignes, qui est chercheur postdoctoral à l'Observatoire de Paris et qui faisait paraître l'an dernier une étude dans la revue Science basée sur les données récoltées par Arecibo. Cette étude portant sur les pôles magnétiques d'un pulsar baptisé PSR J1906+0746 vient confirmer une prédiction de la relativité générale. Grégory Desvignes nous explique en quoi consiste cette prédiction, mais aussi les raisons pour lesquelles le radiotélescope d'Arecibo a été d'une aide déterminante pour réaliser cette découverte. Un pulsar, c'est une étoile à neutrons en rotation rapide qui est formée après l'explosion supernova d'une étoile en fin de vie qui est environ 8 à 20 fois plus massive que notre Soleil et dont on détecte son faisceau d'émission radio. On a détecté en 2004 un faisceau radio relativement intense qui provenait d'un pulsar qui est environ 15 à 20 000 années-lumière de la Terre. On a rapidement réalisé que ce pulsar était en orbite autour d'une autre étoile à neutrons, ce qu'on appelle un système binaire. Et depuis cette découverte, ce système a été observé de manière très régulière, avec le radiotélescope, dont bien sûr Arecibo, mais aussi le radiotélescope de Nancy, qui se trouve dans le Cher. On les a observés jusqu'à ce que l'intensité du faisceau radio ne diminue et ne puisse être plus observée qu'avec le radiotélescope d'Arecibo. Parce qu'Arecibo a une très très grande surface collectrice qui était unique au monde jusqu'à quelques années. Qu'est-ce que vous avez pu montrer concernant ce pulsar qui s'appelle J1906+0746? Alors voilà, ce nom un peu compliqué désigne en fait ses coordonnées d'ancienne. Alors, les observations que nous avons pu mener avec Arecibo, et qui sont un peu uniques parce qu'elles auraient nécessité environ 20 à 25 fois plus de temps d'observation en utilisant un autre radiotélescope pour obtenir la même qualité de données. Donc ces observations uniques nous ont permis plusieurs choses. La première, c'est qu'elles nous ont permis de prouver la validité d'un modèle vieux d'il y a déjà environ 50 ans. Et qui oui, des années 60, c'est ça? Voilà, qui décrit la géométrie du pulsar, hein, des années 60. Donc voilà, ça permet déjà cette première chose. Ensuite, nous avons pu faire pour la première fois une reconstruction 2D du faisceau d'émission radio. Ça a permis de voir que la forme du faisceau radio n'est pas circulaire, comme le prédit certains modèles, mais d'une forme très allongée. Ensuite, on a pu réaliser deux tests de la relativité générale, dont la relativité générale a bien sûr passé haut la main, comme toujours. Et ensuite, il y a plusieurs conséquences, notamment sur le taux de fusion d'étoiles à neutrons, et ça l'amène à des travaux actuellement en collaboration avec l'Institut Max Planck. Qu'est-ce que vous avez pu valider comme point de détail de la relativité générale en particulier? Que le taux de précession de ce système, qui est prédit par la relativité générale d'être environ 2,3 degrés par an, est bien conforme à ce que l'on voit avec nos observations. Et qu'est-ce qu'on appelle le taux de précession? Alors, imaginez un peu une toupie. À cause du mouvement du pulsar autour de son compagnon et de la déformation de l'espace-temps autour du compagnon, le pulsar précesse un peu comme une toupie qu'on lance. Voilà. Au-delà de cette belle étude qui est parue l'an passé, quelle importance, puisque notre émission sera consacrée au radiotélescope d'Arecibo qui vient de s'effondrer, quelle importance a eu ce radiotélescope dans vos études en général et dans vos autres travaux? Alors, comme je l'ai dit, c'est le radiotélescope qui a permis la première détection du signal radio venant de ce pulsar. Il est très improbable que ce pulsar ait été détecté avec un autre radiotélescope qu'Arecibo. Et la deuxième chose, c'est que les observations que nous avons menées depuis 15 ans avec Arecibo auraient nécessité 20 à 25 fois plus de temps d'observation avec un autre télescope, ce qui, je le crains, ne nous aurait pas été accordé au télescope. Et ça, c'est parce que c'était le plus grand radiotélescope? Voilà. Pour avoir des données de même qualité, pour mener notre étude, il aurait fallu augmenter notre temps d'observation sur des télescopes plus petits. Est-ce que vous aviez des travaux de recherche en cours à partir de données d'Arecibo et est-ce que ça va affecter vos recherches dans les années à venir? Oui, parce que ce projet que nous avons mené et publié l'année dernière était toujours en cours. Le pulsar était encore visible. Nous continuons de le surveiller tous les mois, environ 2 heures d'observation par mois. Et voilà, la perte d'Arecibo met un stop à ce programme de suivi de ce pulsar. Et il n'y a pas d'alternative du coup? Alors, nous sommes actuellement en discussion avec nos collègues chinois pour collaborer sur ce projet avec le radiotélescope FAST. Voilà, ce sont encore des discussions. Pour un futur proche, avec la construction imminente du projet International Square Kilometer Array, SKA, dont j'espère que la France fera partie, il y a... dans un futur proche, je l'espère, de quoi continuer ce projet. Bien sûr, nous avons d'autres projets en cours avec les radiotélescopes de Nancy en France, d'Effelberg, par exemple en Allemagne, et d'autres dans le monde. Voilà les travaux menés notamment sur les pulsars au radiotélescope d'Arecibo. C'est intéressant parce qu'effectivement, vous l'avez dit l'un et l'autre, hein, Gilles Thoreau et Steve Torchinski, Arecibo a étudié beaucoup et a permis de progresser énormément dans la compréhension de ce que sont les pulsars avec des premières observations dès 1968 et qui permettent de comprendre que les pulsars ne sont pas en fait des naines blanches mais bien des étoiles à neutrons. Un mot sur... Vous disiez quelque chose de très intéressant, Gilles Thoreau, sur les travaux en cours, et notamment sur la possibilité, grâce et via Arecibo, de travailler en observant les pulsars sur les ondes gravitationnelles. Or, on sait que les ondes gravitationnelles, les auditrices et les auditeurs de la méthode scientifique qui sont friands d'astrophysique savent que bien on les écoute grâce à LIGO et Virgo, qui sont des interféromètres. Comment est-ce que Arecibo peut donner des renseignements sur les ondes gravitationnelles, puisque c'est une autre forme d'observation de l'espace? Ben là, on utilise les propriétés d'horloge des pulsars. C'est-à-dire qu'un pulsar, c'est quelque chose qui tourne très vite, qui est extrêmement stable et qui nous envoie des espèces de bips radio extrêmement stables et réguliers. Et ça agit un peu comme un détecteur. C'est-à-dire que quand on a un détecteur d'ondes gravitationnelles, par exemple les détecteurs au sol, on a entendu parler de LIGO, Virgo, qu'ont découvert ces fusions de trous noirs ces quelques dernières années, on mesure des variations très très minces de distance. Une onde gravitationnelle, c'est quelque chose qui perturbe, qui se déplace à la vitesse de la lumière et qui perturbe la structure même de l'espace-temps, qui modifie les longueurs, qui modifie les temps. Et donc, sur une structure au sol, par exemple, comme LIGO Virgo, ça va perturber la longueur d'un des bras de cet instrument. Dans le cas des pulsars, ce que ça va perturber, c'est en gros la distance entre la Terre et le pulsar. Donc, on a une espèce de bras de levier beaucoup plus grand à l'échelle galactique. Et on mesure cette variation spatio-temporelle par des irrégularités dans l'arrivée, ce train régulier de bip radio. Si on n'a pas de perturbation, on a quelque chose qui reste très régulier. Alors il y a des tas de raisons aussi d'avoir d'autres perturbations, évidemment. Mais ce qu'on va chercher, c'est une perturbation qui va être corrélée entre les différents pulsars, donc les différentes lignes de visée, et qui va révéler éventuellement le passage d'une onde gravitationnelle au niveau de la Terre. En gros, la Terre va un peu chalouper, va être secouée par le passage de l'onde gravitationnelle, et ça va perturber du même coup toutes les observations en cours sur tous les pulsars en même temps. Mmh. Hein, donc on utilise vraiment les propriétés d'horloge. C'est un peu la même idée que ce que décrivait Grégory Devigne, hein, c'est-à-dire que pour étudier très précisément un système binaire de deux étoiles à neutrons très proches, comme il l'a fait, on utilise aussi ces propriétés d'horloge qui nous permettent d'avoir une très très grande précision sur les mouvements des deux étoiles l'une par rapport à l'autre. Ben là, c'est un peu pareil. On utilise des pulsars répartis dans la galaxie et on mesure très précisément, finalement, les variations de distance, on va dire, entre ces différents pulsars. Et donc, ça fait un détecteur naturel, mais pour le coup, d'ondes gravitationnelles qui sont de très très basse fréquence, puisque c'est des ondes qui sont sensibles à l'échelle de la galaxie tout entière. Mmh. Et les seuls objets, enfin, il y a plusieurs familles d'objets de sources célestes qu'on peut imaginer être responsables d'une émission dans les basses fréquences. Il y en a plusieurs, et parmi les plus probables, il y a la signature des trous noirs supermassifs, donc des trous noirs qui font près d'un milliard de fois la masse du Soleil. Qui sont au centre des galaxies. Au centre des galaxies. Voilà. On sait que les galaxies fusionnent dans leur histoire. Hein. Il y a une formation hiérarchique des galaxies. On parle de petites galaxies qui fusionnent petit à petit pour former les grosses galaxies qu'on connaît aujourd'hui. Et au fur et à mesure de ces fusions, on a aussi les rencontres de ces trous noirs centraux qui fusionnent aussi et forment des paires. Et c'est ces paires très rapprochées qui produisent ces perturbations de l'espace-temps qu'on appelle les ondes gravitationnelles et qu'on détecte avec les pulsars. L'occurrence, donc Arecibo a un programme de long terme, comme Nansei d'ailleurs, et comme beaucoup de radiotélescopes qui sont en réseau actuellement au sein d'une collaboration internationale. On suit entre 40 et 80 pulsars millisecondes stables sur l'ensemble de la sphère céleste pour essayer de détecter pour la première fois ce. C'est ce fameux pulsar timing ray que vous évoquiez tout à l'heure. Peut-être un mot, Steve Torchinski, sur l'histoire d'Arecibo. Quelles sont, à votre avis, les contributions majeures, les contributions les plus importantes qu'Arecibo a pu apporter à l'histoire de l'astronomie? On met souvent numéro un sur la liste ce qui a gagné le prix Nobel. Et c'est encore lié au pulsar. Mm-hmm. Et c'était le suivi, comme Gilles racontait, le chronométrage d'un pulsar pendant plusieurs années. Après une dizaine d'années, on voyait que l'orbite entre le pulsar et une étoile de neutrons dans une orbite binaire, ça rétrécit. Et l'énergie qui est émise est précisément ce qui est prédit par la théorie de relativité générale d'Einstein. Donc, c'était déjà aux années 70. 1974. Oui. Mm. C'était le début de l'observation de ce système. Et après quelques années, on savait déjà que ça suivait la prédiction de Einstein. Et donc, le prix Nobel était accordé en 93. Mm. Mais il y a d'autres choses aussi. Ah, le radar, Taylor, oui. Par exemple, a dévoilé la période de rotation de la planète Mercure. Avant, on pensait toujours que c'était 88 jours, qui est la même période que l'année de Mercure. Mais en fait, c'était pas ça, c'était 59 jours au lieu de 88 jours. Et jusqu'à Arecibo, on a eu tort sur la période de rotation de Mercure. C'est ça, et ça c'était l'une des premières grandes observations, hein, puisque on est en 1964 et la publication date de 65. Et effectivement, on se rend compte que Mercure n'est pas du tout comme on le pensait en rotation synchrone autour du Soleil. Il y a d'autres choses, il y a pas mal de... Arecibo a eu aussi un rôle dans l'observation des astéroïdes et a même servi à un moment donné à essayer de détecter des astéroïdes qui pouvaient potentiellement être dangereux pour notre planète, Steve Torchinski. Oui, avec l'amélioration de la surface en 74 et au-delà, ça a permis... avant, le radar était autour de 400 MHz et à partir de là, il y avait un radar à une fréquence beaucoup plus élevée. Et donc, la longueur d'onde est plus petite. Et ça donne plus finement des détails sur les objets. Et donc, c'était aussi le radar le plus puissant du monde. Et on envoie un signal vers des objets. Et avec le ECHO, on peut reconstruire la forme de l'objet, l'astéroïde ou autre. Et donc, du coup, les astéroïdes sont très faibles. On les voit pas comme ça. Mais si on peut envoyer un signal et voir le ECHO, là, on peut les observer. Mmh. Et donc, il y avait des astéroïdes que Arecibo observait que aucun autre observatoire pourrait voir. Et on peut évoquer aussi, mais on en parlait la semaine dernière à ce micro, la détection du premier sursaut radio rapide, les fast radio bursts qui nous ont occupé une heure entière. On va vous remettre le lien de l'émission sur notre fil Twitter. Un mot peut-être de conclusion, Gilles Thureau. Donc maintenant qu'Arecibo est détruit, alors je crois que il va toujours être possible de le visiter. En tout cas, c'est la volonté du NFS. Mais quelle est la suite? La suite, ce serait donc FAST en Chine, ou peut-être, on parle, et on l'entendait tout à l'heure dans le reportage, le projet SCA. Vous pouvez nous en dire un mot brièvement? Oui, alors il y a plusieurs choses, plusieurs suites possibles. Effectivement, il y a FAST qui a commencé à prendre le relais. Donc FAST, c'est un télescope qui est de même genre de conception qu'Arecibo, qui fait 500 mètres de diamètre et qui a la particularité, lui, d'être une sphère déformable en une parabole à tout instant. Donc c'est un peu la quadrature du cercle, hein, d'avoir une grande surface et puis en même temps une parabole. Il y a aux États-Unis quand même le projet New Generation VLA, Very Large Array. Donc ça, c'est un télescope composite qui fonctionne depuis plusieurs dizaines d'années, fait au départ de 27 grandes paraboles reliées entre elles, on appelle ça un interféromètre, et qui va être augmenté pour atteindre jusqu'à 200 paraboles. Donc ça, c'est un projet qui est déjà en train de prendre le relais aux États-Unis. Et puis, il y a ce que vous évoquiez, le projet SKA pour Square Kilometer Array, donc un télescope à terme d'un kilomètre carré. Donc ce qui est prévu dans une première étape, c'est pas un kilomètre carré, mais c'est 10% ou un petit peu moins de 10% d'un kilomètre carré. Ça, c'est la première étape. Donc c'est un télescope qui est construit en deux sites, l'un dans l'ouest australien pour les plus basses longueurs d'onde, et l'un qui correspond plus aux longueurs d'onde d'Arecibo en Afrique du Sud. Et donc il est en construction actuellement. En fait, il y a une première phase construite par les Sud-Africains qui s'appelle MIRCAT. Donc ça, c'est le télescope prototype autour duquel on va démarrer la construction vraiment de la première phase de SKA pour atteindre de l'ordre de 200 ans. C'est un télescope qui va être quelques 3-4 fois plus puissant qu'un récit. Je suis obligé de vous interrompre malheureusement, Gilles Thoreau, puisque nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Gilles Thoreau, merci Steve Torchinski d'être venu nous raconter l'histoire de ce merveilleux outil qui a été le télescope d'Arecibo. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'est Clément Daté à la technique aujourd'hui. Pour demain, eh bien, ce sera notre rendez-vous Covid mensuel. Nous allons essayer de comprendre les chiffres de la propagation, allons pouvoir passer les fêtes sans conséquences sur la reprise épidémique. Que se passe-t-il en Allemagne, en Espagne et dans plusieurs pays d'Europe qui ont choisi de reconfiner avant même les fêtes de fin d'année? Nous en parlerons notamment avec Dominique Costagliola, qui est épidémiologiste et toute récente médaille d'or de l'INSERM 2020. Un mot également pour vous dire que vendredi, c'est notre petit cadeau de Noël. Nous recevrons en exclusivité pendant une heure l'auteur américain Ted Chiang, qui vient de publier en français à la rentrée son deuxième volume de nouvelles, Expiration chez de Noël. C'est brillant, ce sera vendredi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.